bonsoir, bienvenue à la BNF donc pour cette quatrième séance du séminaire vidéo des premiers temps. Le séminaire donc démarre juste par deux petites annonces. Le carnet de recherche, c'est-à-dire le blog du séminaire qui vous a été annoncé l'autre fois, on continue à le préparer doucement, mais il va finir par exister. Plus que techniquement, parce qu'il existe techniquement, mais il est assez vide pour le moment, mais on y travaille. D'autre part, au niveau du calendrier, un changement de date intervient. La séance du 25 mars, expérience vidéo dans les conflits LIP, est décalée au 8 avril, donc deux semaines plus tard. Ce n'était pas possible de décaler d'une seule semaine en raison du lundi de Pâques, je crois. Donc on a décalé ça. Et puis le 18 février, il y a la séance de Beaubourg consacrée à... La séance de Beaubourg consacrée à Chris Marker. Voilà, donc on ne voulait pas placer la séance. Donc le 8 avril, donc il y aura deux séances en avril assez rapprochées, espacées de deux semaines. Et puis une feuille de présence va circuler. Pensez à bien vous inscrire, car c'est un moyen pour nous, après, de faire circuler... des informations par courrier électronique. Voilà, Hélène, je te laisse la parole. Oui, donc bonjour, bonsoir plutôt à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour cette quatrième séance du séminaire vidéo des premiers temps, donc qui sera consacré aux collectifs régionaux et... le thème qu'on a choisi, en fait, c'est collectifs régionaux et actions locales, mais bien sûr, le titre méritera d'être discuté en fonction des pratiques de chacune, de chacun de nos invités. Avant de vous présenter et avant donc d'entrer dans le vif de la séance, nous voulions commencer quand même par rendre un hommage ému à Jean-Henri Roger qui nous a quittés brutalement le 31 décembre dernier et qui nous avait fait l'honneur, le plaisir d'intervenir dans le cadre de ce séminaire vidéo des premiers temps le 19 novembre. Jean-Henri Roger, donc cinéaste bien sûr, mais aussi pionnier de la vidéo, notamment à travers l'expérience de Télémaspero qu'il a montée aux côtés de Jean-Luc Godard, pardon, je suis moi-même un peu émue. Et avec le soutien notamment de Chris Marker, c'était quelqu'un qui était extrêmement attentif à la pratique du cinéma et de la vidéo, ainsi qu'à son engagement social et politique. Il était porteur d'une énergie absolument inépuisable. Et il a été l'une des âmes vives du département cinéma de Vincennes, et auquel je suis moi-même rattachée, et nous lui rendrons un grand hommage dans les semaines qui viennent. Vous serez bien sûr tenus informés. La Cinémathèque française également doit lui rendre un hommage. Ce sera l'occasion de redécouvrir ses films. Vous serez donc informés par voie de mail. Effectivement, il est très important que vous notiez bien vos adresses électroniques afin que nous puissions vous transmettre les informations. Je vous propose que nous regardions, pour commencer, un très court extrait, donc un extrait de 2 minutes, justement, de cette séance à laquelle Jean-Henri avait participé, la séance qui était inaugurale, en quelque sorte, après la conférence d'Anne-Marie Duguay, autour des toutes premières expérimentations de 68-70, et à laquelle aussi avait participé Jean-Paul Fargier, qui est juste présent également, ici. Et je remercie beaucoup Marguerite Vapereau d'avoir filmé cette séance et Luc Verrier d'en avoir aussi enregistré le son comme aujourd'hui. Voilà. Donc un extrait de 2 minutes en hommage à Jean-Henri Roger. J'étais dans une école de cinéma idéaliste il y a très longtemps, qui s'appelait l'IFC. J'en ai enseigné et en octobre 68 ou un truc comme ça, il est arrivé avec ce truc, ce lit-là. Il a dit, voilà, il y a ce bout qui m'a donné ça. S'il y a quelqu'un qui a une idée, il n'a qu'à le prendre. Et vous savez, c'est des trucs sur lesquels on ne pouvait pas monter. Quand tu montais, tu coupais dans le magnétique, quoi. Donc, on ne montait pas. Donc moi, je me suis dit, qu'est-ce que c'est qui dure ? Ça, c'est des bandes avec une demi-heure, je crois, un peu. Qu'est-ce qui dure une demi-heure, qui a un début, un milieu, une fin? Je me suis dit, il y a le câlin. Donc j'ai mis la caméra tout en haut de ma chambre. sous les draps, j'ai fait un câlin avec ma copine. Et j'ai apporté ça à l'UFC. Et Jean-Luc, ça l'a fait marrer, évidemment. Burch a volé la... Burch a évidemment volé l'image que je n'ai jamais revue. Et après, à ce moment-là, Jean-Luc m'a demandé de travailler avec lui. Et quand je dis c'est ce qu'on en a moins fait, les questions sont simples à comprendre. C'est que pour Jean-Luc, c'était plus simple de tourner un film. C'est-à-dire que ce langage sur la liberté qu'on est en train de dire sur la vidéo, pour nous, c'était une contrainte terrible. Pourquoi ? Parce qu'on ne pouvait pas monter. Parce que Jean-Luc, même dans la période la plus marginale, s'il téléphonait, il s'est joué un peu de pellicule, on ne disait pas Monsieur Godard, il vous fait marcher les Grecs. On lui filait de rien. Il avait quand même un minimum d'accès aux moyens de production. Donc, si tu veux, l'idée de la vidéo qui était de chez Maspero, qui était très, très simple, en réalité, elle demandait une énergie complètement dingue. Et j'en profite aussi pour vous informer, si vous n'êtes pas déjà au courant, que demain, donc mardi 15 janvier, aura lieu la projection de son film Lulu au reflet Médicis, organisé notamment par l'ACID, donc à 20h45. Voilà.